Tonton Yebo Alotin, nous savons tous que quand un artiste s'en va, son œuvre ne part jamais. Nous te pleurons, comme toujours, toi qui as toujours été notre parrain. Et nous, tes enfants, nous resterons jouer tes chansons pour que cette œuvre ne puisse pas être oubliée. Ah ouais. Nous souhaitons aussi que Dieu le Père te prenne à ses côtés. Ainsi soit-il. Amen.